un père. C'est Oli. O-L-I. Oli. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je m'appelle Sophie Fontanelle et je vais vous raconter la fable de l'enfant qui avait trop de choses à dire. Tobias, qui avait 8 ans d'âge, était amoureux du langage. Cet enfant à qui l'on disait qu'il était beaucoup trop petit pour vraiment comprendre la vie, seul dans sa chambre, devisait. Deviser, c'est dire des choses. Tobias en savait quelque chose. Parlait à ses jouets nombreux, auxquels il faisait des aveux. J'ai bien l'impression qu'un adulte, d'accord, c'est grand, mais c'est un culte. Un culte ? Il connaissait le mot. L'inculte est quelqu'un qui sait rien, disait-il d'un ton rigolo. Il faisait l'académicien, comme ça, juste pour le plaisir. Répétait le mot pour de rire. Un petit peu le faisait frire. Après, il passait à un autre. Mais, important à préciser, apprendre et connaître et parler, tout ça chez lui était caché. Dans la vraie vie, disait « dodo ». Que des mots courts et prémâchés. Gardait pour lui tous les cadeaux que le langage lui offrait. Il expliquait à ses joujoux. Écoutez, je le dis qu'à vous. Les gens disent gentil toutou, mais c'est un lévrier afghan. Et c'est un secret entre nous. Il trouvait vraiment élégant de savoir un peu nommer tout. Élégant, oui, savait le mot. C'était un étonnant marmot. Là, vous vous racontez déjà qu'il était premier de la classe. Eh bien, ce n'était pas le cas. Il était silencieux, Tobias. Et les mots restaient dans son cœur, où une certaine chaleur les faisait pousser à l'abri. Les mélangeait avec le reste. Fou ce que l'on contient du reste. Nos pensées, sensations, nos cris, ce jamais poussé justement, et nos sauts de joie du dedans. Tout ça fabriquait dans Tobias un grand pays, un horizon. L'horizon, c'est un vaste espace où c'est qu'on ne voit pas le fond. Et c'est cela qu'aimait Tobias, la forme inconnue de l'audace. Si vous avez tout bien suivi, mais qui suit bien sur cette terre? J'ai résumé l'étrange vie de Tobias par le vocabulaire. Assez doué pour la culbute, j'ai dit qu'il trouvait les adultes, bon, résumons, un peu primaire. Pourtant, tout son vocabulaire, c'est de la bouche des adultes qu'il le tenait. C'est clair que l'adulte trouvait inculte, à vrai dire, cultivait Tobias, en lui mettant dans la besace ces mots nobles, miraculeux, ces mots qui font se sentir riche, qui font de vous un bienheureux. Alors, que voulait dire Tobias ? Traitant les adultes d'incultes. Il aurait dû vouer un culte à ces adultes et à leur grâce, à leur phrasée providentielle. Mais je n'ai pas dit l'essentiel. Ce que Tobias avait appris, c'est que les adultes jacassent. Dans leur bouche, les mots s'entassent. Ils font croire qu'ils ont tout compris, mais ces mots sur eux, attention, sont comme des décorations. Souvent, ils sont vides de sens. Ou alors n'en ont aucun. Débile. Oh, c'est pas du tout comme ça que Tobias voyait la langue. Pour lui, elle faisait bing et bang. Et faisait des petits, tout ça. Quand Tobias repérait un mot vraiment beau, pas un bibelot, il le faisait monter au ciel de son écoute et de son âme. Le mot faisait comme une flamme et éclairait toute la tête de Tobias. Oh, c'était la fête. À force d'être prononcé, écouté, sous-pesé, pensé, le mot débobinait sa science et Tobias, mis en sa présence, se sentait fort. Mais attention, surtout de sa compréhension, d'avoir deviné et tout seul ce que ça voulait dire « aïeul ». Une aïeule, lointaine grand-mère. Lointaine, pas sur cette terre, lointaine dans la stratosphère, Mais qu'est-ce que c'est que l'au-delà, là où l'on va après la vie? Y mange-t-on du chocolat? Tobias répondait que oui. La nuit, il voyait des tablettes. Elles dépassaient des planètes. Ou bien parfois, ne voyait rien. Parce que c'était bien trop aïeul, et qu'aïeul est plus loin qu'ailleurs. Et que c'est vraiment pas pour rien que les deux mots, se confondent. Bref, Tobias devinait le monde. Sauf que voilà, ça nous amène à la visite médicale. Le cabinet est rue de Gênes. Le docteur est gêné, banal. Ça fait 20 minutes qu'il tente de faire parler ce patient. Est-ce que des bonbons, ça te tente? Tobias tend la main et en prend. Il les enfourne dans ses joues. Puis les mâche, l'âme sereine. On parle pas la bouche pleine. Les bonbons sont au chocolat. Ils sont venus de l'au-delà. Et Tobias attend patiemment. C'est impatient. Il est patient. Il sait très bien ce qui se joue. On va encore l'examiner, voir si sa langue s'est tournée. Et on va faire des analyses, des tests et des suppositions. Tobias a toute sa raison. Et, sur le gâteau, la cerise, Tobias est très intelligent. Il a peut-être peur des gens. Ses parents le reconsidèrent avec ce nouvel élément. Le docteur, il essuie ses verres. Il y avait de la buée dedans. C'est pile là, dans le silence. Du très très loin de son atoll, Tobias enfin prend la parole. Je parle, mais de préférence à tout ce qui reste en silence. Et je veux apprendre à parler aux autres, pas à moi. Pourquoi? Parce que moi je sais déjà. Des mots, j'en ai tout un collier. Parfois j'en prends un et je croque. C'est comme un collier de bonbons et c'est à ma disposition. On peut dire que je soliloque. Puis, Tobias, ayant dit cela, se tait. Reprend un chocolat. Dans la pièce, ils sont sidérés. Ses parents pleurent de bonheur. Et même les joues du docteur sont bien moins doctes qu'à l'aller. Il sait très mal se débrouiller, les lunettes sont remouillées. C'est reparti pour la buée. Tobias les voit se moucher, s'approcher de lui, le toucher. Il reçoit multiples câlins. Et quand c'est pas l'autre, c'est l'un. Et pourquoi tu te taisais avant? Demande soudain le docteur. Tout se suspend dans le silence. Tobias le leur dit en douceur. Pour que les mots gardent leur sens. Tous le regardent stupéfaits. Tobias répond par un sourire. Morale, parfois on se tait parce qu'on aurait tant à dire. Et voilà, la fable est finie. Et maintenant, au lit !